comme on le fait chaque semaine depuis la semaine passée. La semaine passée, on l'a accueilli pour seulement en parler au futur de sa chronique, mais là, il est là pour vrai, sa chronique numéro 1 de 1 million. Un million, c'est ça. Jimmy Thibodeau, et c'est Gauchère Bévu. Voilà. On n'a pas d'intro pour ça, fait que Gauchère Bévu. aujourd'hui, un autre sujet à déboulonner un petit peu. Avant ça, par contre, j'ai vu ton petit collant « J'aime les vaccins » sur ton ordinateur. Oui. Ce qui m'a fait parler de mon rhume, ce qui nous a fait parler de, bon, tu sais, le vaccin, c'est contre l'influenza, c'est la grippe. Oui. Fait que ceux qui pensent aller se faire vacciner pour pas avoir le rhume, 5 fois par année. Exactement. Comme moi. Exactement. Non, manger des légumes verts, dit Tania. Mm-hmm. Et des fruits et légumes. Oui. Mais les vaccins, d'ailleurs, et tout le scepticisme par rapport à ça, ça pourrait faire le sujet d'une autre chronique. J'en doute même pas. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pas du tout. Là, cette fois-ci, en fait, on s'intéresse à un sujet quand même assez large, mais que la gauche ne s'est vraiment pas abordé. L'immigration. Ben oui. OK, je pensais parler de l'obésité, vu que c'est un gros sujet. Ouais. Ah, non. Non, pas ça. Parce qu'en fait, l'immigration, c'est bien un des sujets que la gauche ne s'est pas du tout discuté, mais vraiment pas du tout. Aucunement capable de débattre d'immigration, la gauche. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça, là. Parce que, pourquoi en fait? Parce que quand on se met à parler d'immigration avec quelqu'un de gauche, souvent ce qui arrive, c'est quoi? Ben, t'es considéré comme un raciste. C'est ça, oui. Tu veux parler du nombre du monde migrant qui arrive ici, ben t'es raciste. Tu peux pas toucher à ça. Et là, on se voit bien avec la controverse sur les faces voilées et autres. C'est encore de plus en plus présent comme sujet. Même si ça n'a pas rapport avec les migrants, mais on s'entend que c'est le même sujet. Ah, mais c'est lié, la laïcité, c'est lié tout ça. Puis en même temps, c'est pas étonnant que, justement, en fait, l'immigration soit un dossier qui soit récupéré par les gens de droite et d'extrême droite, parce que c'est les seuls qui veulent vraiment en parler. Tandis que les gens de la gauche, ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils en parlent, ils ont peur d'être étiquetés intolérants ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Si tu parles de limiter l'immigration, c'est ça. Voilà, intolérance envers les étrangers, envers l'autre. Tu as un problème identitaire ou quoi que ce soit. Là, ça marche pas. Et là, on rappelle, pour remettre en contexte sur Gauchère Bévu, que Jimmy Thibodeau est lui-même de la gauche, mais nous explique pourquoi la gauche a des petits problèmes. C'est ça. Oui, ça, c'est important de rappeler. Moi, je suis quelqu'un de gauche, mais je critique des trucs qui se font dans la gauche. Voilà. Pour la réveiller un peu. Bon, voilà, c'est un peu le but. Mais qu'on ait une intro pour cette chronique-là, ça va le dire dans la chanson. Il est de gauche, mais il critique la gauche. Jimmy Thibodeau. Ça pourrait. Pourrait aussi ne pas faire ça. Ouais, c'est ça. Fais-le surtout pas, Mathieu. Non. Alors voilà, ça, c'est le contexte pour le dossier de l'immigration avec la gauche. Mais ça, ce qu'on rencontre, bien, évidemment, c'est quoi? C'est pas suffisant, c'est pas un argument suffisant, ça, de dire t'es intolérant ou t'es raciste pour, balayer du revers la main les arguments sur le nombre d'immigrants, le taux d'immigration qu'on veut ici au Québec. C'est pas un argument suffisant. Déjà là, on se rappelle que si tu dis à quelqu'un qui est intolérant ou raciste, c'est une attaque personnelle. Donc là, tu viens de perdre le débat parce que tu as fait une attaque personnelle. Ben, c'est ça. Par contre, il faut avouer quelque chose. Il faut leur concéder quelque chose aux gens qui disent ça. C'est que plusieurs critiques de l'immigration sont motivées par du racisme ou de l'intolérance. Oui, c'est ça. Ça part à quelque part. Là, ouais. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Par exemple, au Québec, on a beaucoup d'immigration arabe, maghrébine, plus précisément. Pourquoi? Parce que on a favorisé l'immigration francophone. Et là, les Maghrébins sont francophones, ou en tout cas, ceux qui sont issus de milieux plus favorisés au Maghreb sont francophones. Donc, voilà, on a plus d'immigration arabe, mais ça amène des tensions. Puis donc, c'est pas étonnant que l'islamophobie s'en mêle. Mm-hmm. Même chose avec, par exemple, les demandeurs d'asile haïtiens récemment qui sont arrivés, qui sont passés la frontière. Les commentaires qu'on a entendus sur les demandeurs d'asile haïtiens. Pourtant, quel argument on avait pour vraiment être contre le fait qu'ils demandent l'asile, tu sais, ici au Canada? C'est des gens dans le trouble qui n'avaient pas d'endroit où aller, tu sais, puis l'Haïti, c'est pas juste un pays du tiers-monde, là, c'est un pays juste en ruine, je veux dire. Mm-hmm. Mon argument préféré, c'était genre, on n'est même pas capable de s'occuper de nos personnes âgées. Ouais. Oui. Rapport. Dis-moi, quel est le rapport avec ça. Mais un demandeur d'asile, c'est ça qui arrive. Ça veut travailler, tu sais. Ça veut pas dépendre, ça veut pas être au crochet de la société. Ça veut travailler, tu sais. Fait que c'est vraiment comme aberrant, ces genres d'arguments-là. Puis c'est des gens, les Haïtiens qui étaient là à l'époque, c'est des demandeurs d'asile des États-Unis parce qu'ils étaient menacés de plus avoir de foyer. Est-ce qu'on était pour les retourner en Haïti ou quelque chose comme ça? Mm-hmm. Ça a juste pas de bon sens. Mais bref, donc voilà, une concession qu'il faut faire à la gauche, c'est-à-dire, oui, il y a des trucs qui sont motivés par l'intolérance ou le racisme, Mais c'est pas avec juste ça qu'on est capable de régler le dossier de l'immigration. C'est pas étonnant qu'il y a des des partis de gauche, comme par exemple Québec solidaire, prônent le statu quo par rapport à l'immigration. Québec solidaire prône en fait le maintien du taux d'immigration vraiment égal, le même. Pourquoi? Parce que plus on en parle, on veut pas trop ouvrir la porte au débat. C'est quelque chose de malaisant. On n'aime pas ça parler de ces affaires-là. C'est ça. On préfère chialer sur le logo d'un Québec solidaire, n'est-ce pas, Jimmy Thibodeau? Ah, j'adore ça! C'est vraiment... C'est horrible, les logos de Québec solidaire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faudrait que j'embarque avec Jimmy de ce côté-là. C'est pas game. Le haut séparé, là, je le trouve pas affreusement laid. Ah, c'est un truc de... C'est facile. Les deux macaronis mis ensemble. C'est un logo de firme comptable. C'est un logo de firme comptable. Ça marche juste pas, là. Puis ça se fait sur Word, en plus. Ouais. C'est vraiment... Ça, c'est vrai. Bref. Dans le fond, ce qu'il nous faut, c'est des arguments pour vraiment comme discuter de l'immigration, puis pas donner raison aux gens d'extrême droite qui veulent couper l'immigration, ouais, ou que ce soit complètement, parce qu'on est d'accord qu'on veut quand même l'immigration. Mais pourquoi on en veut, tu sais? Fait qu'il faut argumenter rationnellement là-dessus. Mais un premier point, tu sais, qu'il faut mettre de l'avant aux gens de gauche qui disent si tu parles d'immigration, t'es raciste et tout, c'est de dire que limiter l'immigration, là, c'est une obligation qu'on a dans le fond. Mm-hmm. On peut pas vraiment s'en passer, parce que ouvrir les frontières complètement à tout le monde, ça se peut pas. Comme un robinet ouvert, là, à un moment donné, il n'y aurait plus de place. C'est ça. Mais dans le fond, c'est sûr qu'il y a des gens, par contre, qui prônent le fait d'ouvrir les frontières partout dans le monde. Mm-hmm. Donc, il faut un peu dire pourquoi, en fait, c'est impossible. Il y a deux raisons. La première, c'est que les autres pays, pour l'instant, n'ouvrent pas leurs frontières. Fait qu'on peut pas juste ouvrir les frontières comme ça à tout le monde d'un coup. Parce qu'ils iront plus ailleurs, ils vont tous venir ici, il va y avoir une influence beaucoup trop importante. Ça se peut juste pas. Donc, l'idée d'ouvrir les frontières à tous, automatiquement, c'est pas réaliste en ce moment. Puis si ça pouvait se faire un jour, il faudrait que ça soit d'un commun accord, tout le monde en même temps. Ouais. Puis c'est quelque chose de vraiment invraisemblable. Utopique. Tout à fait. De pouvoir juste bouger n'importe où dans le monde sans vraiment trop poser de questions. Exactement. Puis une autre raison par rapport à ça, pourquoi c'est impossible, ne pas limiter l'immigration, en fait, il y a la notion d'intégration aussi. Comment on peut intégrer efficacement... Il faut les coacher un petit peu, pour les aider. Il y a le niveau de la culture aussi, société, apprendre aux gens à bien vivre en société, bien s'intégrer et ne pas se ghettoiser dans un quartier, par exemple à Montréal, avec juste une communauté en particulier. Puis être tout capable le monde de... se ressemble, ça semble. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose de normal puis de sain, de se réunir en communauté culturelle à certains endroits. Mais il faut quand même être capable aussi d'interagir avec le reste de la société. Ouais. Puis cette intégration-là, il faut la faire. Mais il faut aussi la faire au niveau du marché du travail. Il faut être capable de donner un emploi aux immigrants. Donc, on peut pas emmener tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut une intégration efficace des gens. Donc, voilà. Donc, il faut limiter l'immigration. Ça, c'est une évidence. Mmh. Donc, déjà, à cause de ça, il faut en parler. Il faut mettre la barre quelque part. Sachant qu'il faut la limiter, on la met-tu très haute, la limitation? Est-ce qu'on fait une limitation minimale? Il faut en parler de tout ça. Donc, la gauche peut pas éviter le sujet. Puis, je trouve, de mon côté, il y a plein d'arguments repris par la droite. Vu que c'est repris par la droite, il y a un peu d'intolérance mêlée à ça tout le temps, la plupart du temps. Mais ils ont quand même des points intéressants parfois. Par exemple, au niveau identitaire, il y a des gens de droite qui ont peur que l'immigration, ça change un peu notre identité. Puis c'est une peur qui d'une certaine manière, qui a un fond de justification dans le sens où c'est un fait là, que l'immigration, ça change l'identité d'une société, ça la change rapidement. Puis en fait, si on acceptait tout le monde en même temps, notre culture et tout ça, ça changerait vraiment très, très rapidement. On veut peut-être pas ça non plus. Des immigrants, l'immigration, les communautés étrangères, ça a un bagage culturel différent, des comportements différents. On peut juste l'ajouter à ce qu'on a déjà pour faire... Des opinions différentes, des opinions religieuses différentes. Oui, puis on peut... Puis c'est de la richesse pour nous en tant que société, mais en même temps, si on acceptait tout le monde en même temps, ça chamboulerait les choses peut-être un peu trop rapidement pour une société. Ça serait peut-être un petit peu trop... un petit peu trop exagéré. Les extrêmes sont jamais bonnes pour personne. Exactement. Donc, on voit dans un certain sens que les soucis des fois de droite ont quand même un certain fondement... qui a quand même de l'allure. Pas sur toute la ligne. Ben, c'est ça. Donc, il y a ce niveau-là. Donc, ben, c'est ça. Il y a ce truc-là. Donc, maintenant, on arrive à... Donc, on voit qu'il y a de bons arguments pour limiter l'immigration. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pour dire... pour répondre à ça, tu sais? C'est quoi les bons arguments pour dire qu'il faut de l'immigration? Parce que dire, ben, si t'aimes pas l'immigration, t'es intolérant, c'est passé. Il y a plusieurs manières d'argumenter de manière rationnelle par rapport à l'immigration, puis de dire, ben oui, il en faut. Ben, premièrement, le fait que c'est une richesse, on en avait parlé, tu sais. Puis effectivement, en fait, même à un niveau pragmatique, en fait, l'immigration, ça amène de la jeunesse, ça amène de l'expertise, ça amène des retombées économiques, parce qu'un immigrant, ça travaille, ça fait pas juste... Mm-hmm. Ça se passe sur le laurier. Au contraire, un immigrant, ça a pas accès à tous les services d'un coup. Ça peut pas être sur le bien-être social, un immigrant. Mm-hmm. C'est pas parce que Facebook dit qu'ils reçoivent des milliers de dollars par mois que c'est vrai. C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc, c'est bien dans les gens qui redonnent le plus, parce que, bon, ils profitent moins des services et tout, etc. Et ils travaillent, donc voilà. Déjà ça, c'est un bon argument pour dire ben il faut de l'immigration. Un autre argument que je trouve intéressant, c'est l'argument historique, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, en fait, tu sais, contrairement à d'autres pays, ben même les autres pays, c'est vrai un peu dans une certaine mesure, mais l'Amérique du Nord, c'est une terre d'immigration. Oui, c'est bâti là-dessus. Ben c'est ça. Donc des gens qui les gens originaires d'ici, là, à part le 1% d'autochtones ici, il y a personne. Les fameux de souche, là, alors que quelques générations en arrière, il y a de l'Irlandais, il y a d'ici, il y a de ça. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que Ça a juste pas d'allure. Puis même nous, ben, tu sais, les Français, ils viennent pas. Le premier colon français qui est arrivé ici, c'est Louis Hébert en 1642. Tu sais, ça fait vraiment pas longtemps. Là, on est tous des nouveaux arrivants dans une certaine mesure. Fait, c'est ça. Bienvenue. Ben c'est ça. On est une terre d'immigration ici. Puis je pense, comme ça aurait pas de sens de couper tout ça juste pour des soucis. Purement identitaire ou ethnique ou quoi que ce soit, ça n'a juste pas d'allure parce qu'on est une terre d'immigration. On est multi-ethnique et cosmopolite par définition. On est l'Amérique du Nord, tu sais. Donc voilà, ça, c'est un deuxième argument. Puis il y a plein d'autres arguments aussi, ben, un petit peu qui coulent de source, un peu comme tout ce qui est les réfugiés climatiques ou politiques. C'est un peu une sorte d'impératif humanitaire, si on veut. D'aider. Les gens qui cherchent un refuge quelque part, ben, il faut les accueillir, il faut que quelqu'un, quelque part, un pays les accueille. Ils ont tout le temps des raisons, c'est pas comme s'ils venaient ici en voyage. Hein? Ben exactement, c'est ça. Donc, il y a un souci humanitaire ici, un souci de soins à donner aux autres. Parce qu'en même temps, on veut pas donner toute la tâche à un pays en particulier, ça a juste pas d'allure. Il faut se répartir le fardeau en gros guillemets, là, de l'afflux des réfugiés, en fait. Donc, c'est un devoir humanitaire qu'on a. Un autre argument qu'on peut donner. Et puis, un autre truc aussi que je trouve intéressant, c'est que... mais en fait, tu sais, on veut pas vivre dans un monde où les frontières sont fermées généralement. Tu sais, même les gens qui vivent ici et qui veulent des frontières, ben, une immigration beaucoup moins... ben, très diminuée, ben, ils vont pas mal souvent être d'accord pour dire, en fait... ben, moi, j'aimerais ça être capable, en théorie, de... d'immigrer dans un autre pays si je veux, tu sais. Ouais. C'est comme un droit qu'on veut reconnaître à tout le monde. Si moi, je veux vivre en Italie, par exemple... On veut l'avoir, mais on veut pas le donner aux autres. Ben, c'est ça. Donc, ça a juste pas d'allure, là. Si tu veux avoir quelque chose, il faut que tu l'accordes aux autres aussi. Ben, c'est ça le principe de vivre en société puis de vivre en communauté puis vivre éthiquement aussi. Donc, voilà. Si je veux, par exemple, vivre en Italie, ben, j'aimerais ça avoir le droit, tu sais, puis être capable de le faire si je le voulais. Puis, effectivement, aujourd'hui, c'est possible. Fait qu'on faudrait dire la même chose des Maghrébins, par exemple, qui veulent vivre au Québec. Tu sais, on a le droit de... On a bien ça de dire ce qui marche pour Pitou marche pour Minou. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça. Fait que tout le monde, dans une certaine mesure, devrait pouvoir, tu sais. À condition de faire des efforts, bien sûr, tu sais. Puis c'est pour ça que filtrer un peu, c'est bien, parce que, par exemple, au Québec, un exemple vraiment évident, c'est le français, là. On a ajusté l'immigration pour qu'on favorise l'immigration francophone. Puis c'est une bonne chose, en fait. C'est une manière de limiter l'immigration qui est bénéfique pour nous puis pour notre société, parce qu'on favorise le fait français au Québec. Donc voilà, les gens qui veulent immigrer au Québec, par exemple, apprenez le français, puis vous allez avoir des chances de passer. Fait que c'est normal de demander aux gens de faire des efforts pour immigrer à quelque part. Par exemple, c'est la même chose pour les pays scandinaves. Par exemple, si tu vas en Norvège, si tu veux immigrer en Norvège, mm-hmm. je me suis informé. Ah bon? T'as pris un pays au hasard ou tu Jimmy vas s'en va en Norvège, non, c'est ce que tu veux nous dire. Non, mais c'est, ben, je pense que je préférais l'Italie à Norvège. Mais la Norvège, en tout cas, j'avais regardé, puis... il faut apprendre à parler le norvégien, entre autres. Il faut savoir connaître la culture norvégienne. Mmh. C'est la même chose aux États-Unis, par exemple. Il faut apprendre à parler anglais. Un petit test, là. Ouais, faut apprendre l'hymne national là-bas aussi. Faut un test de citoyenneté aussi, avec vraiment. C'est vraiment compliqué. La même chose en Suisse aussi. La Suisse, c'est particulièrement compliqué. Ça, c'est vraiment exagéré. Pareil pour les États-Unis. C'est des exemples extrêmes, mais c'est quand même ça qui se passe. Puis on peut quand même faire ça dans une certaine mesure. Tu me rends curieux, qu'est-ce qu'il y a d'extrême en Suisse? En Suisse? Ouais. Ben, en fait, t'as besoin de passer 10 ans en Suisse avant d'être naturalisé, max et minimum. Wow. Puis tu passes devant un conseil, en fait. Dans la ville où tu vis, là, il se réunit un conseil de citoyens qui vont t'évaluer. En fait, c'est comme un jury, en fait. Ils vont être sélectionnés comme ça, puis ils vont être amenés à déterminer si t'es assez suisse pour être suisse. Ah, ouais. Fait que tu saches toutes les sortes de chocolats qu'ils font c'est depuis, ça. Genre, ah, c'est ça. Des années. Que tu sois habillé comme un Suisse, exactement. Que tu parles comme un Suisse, que tu aies l'apparence d'un Suisse. Ouais. Mais puis même si tu te maries en Suisse, ça te prend au moins 5 ans à être citoyen. Wow. Et puis, c'est pas suffisant non plus d'être marié en Suisse. C'est quelque chose qui facilite le processus, mais c'est tout. Tandis qu'au Canada, par exemple, si tu te maries, ben t'es admis automatiquement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Oh, puis ça fait du sens en même temps, parce que si t'es un mari ou une femme d'un certain pays, puis tu vis avec la personne, t'sais, ça... c'est comme un peu normal. Un lien familial. C'est ça, ouais. Voilà. Tu vois, je suis content d'avoir posé la question. Ben voilà, c'est, vous en apprenez sur toujours plus, ça. Toujours mm-hmm. plus d'apprentissage. Ben c'est ça. Mais la Suisse, c'est vraiment un cas extrême. Ça, puis les États-Unis, c'est dans les pires. On veut pas nécessairement aller vers ça, mais c'est pour dire. Aux États-Unis, c'est quoi? Faut que tu nommes genre chaque gagnant de Super Bowl depuis le début? Faut vraiment connaître très très bien l'histoire des États-Unis, en fait. L'hymne national, ça a été dit aussi, ouais. Mais plein de trucs comme ça. Puis voilà, même connaître les présidents américains, par exemple, sous le bout des doigts. Sérieux? Ah, ouais, oh, ouais, wow. C'est vrai. C'est okay, des choses qui sont demandées dans les tests, en fait. Eh ben. Ouais. Fait que voilà, donc les filtres, c'est important. Il faut limiter l'immigration dans une certaine mesure. Il faut arrêter de dire que limiter l'immigration, c'est mal. Il faut la limiter, mais l'immigration, c'est bon, quand même. Donc voilà, la gauche est remise à jour là-dessus. Oui, mais et c'était très nuancé comme propos. Donc rien de 100% de bord ou l'autre. Il y a du bien des deux côtés. J'aime ça parce que tu donnes les deux côtés. C'est ça. Il faut pas se mettre à diaboliser les idées de droite. Même. C'est sûr que les idées de droite, vraiment, souvent, c'est assez con ce qui se dit. Là, bon, il fallait qu'ils remettent ça. Là. Ben oui, je le sais. Hey, je te disais que tu étais partagé, nuancé. Mais non. J'ai un parti pris de gauche, je l'ai ouais, déjà c'est ça, dit. C'est correct, ça. C'est ce qu'il faut. Ben oui. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Donc, la droite a le courage au moins de parler d'immigration. Puis, des fois, ils ont des bonnes justifications de le faire. Mais je dis ça vraiment parfois. Là, la plupart du temps, non. Là. Mais. Et tu grattes pour leur trouver des bons côtés. C'est hein, ça, exactement. Ouais. Ouais. On aime ça. Donc, on te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique de Gauchère Bévue. Exactement. Nouveau nom. Tout à fait. C'est la première chronique, effectivement. Ça dit pas grand-chose, Gauchère Bévue, mais bon, c'est un peu. C'est plus ou moins concept gauchère. Ben, ça, c'est parfait. Voilà, et on remettra en contexte la raison d'être de ta chronique chaque semaine pour excellent. Ceux qui suivent pas. Merci, Jimmy. Bon, ben, merci à vous. Bon voyage en Italie. Stéphanie Paradis est toujours là aussi. Oui. Ariel est là. Mm-hmm. Ariel a la bouche pleine. Ben c'est ça. Oui. Je pense qu'elle a déjà commencé à goûter ce qu'on va goûter cette semaine. Hein? Oh, peut-être. En forme de, comment dire, demi-sphère. Exactement. Mais ça sera pas directement à la source, hein. Je l'ai tiré pour vous spécialement. Ah, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu l'as mis sur ton poignet pour savoir si c'est la bonne température? En fait, saviez-vous que c'est le cru du coude? Hein, non, je savais pas ça. Oui, mais en tout cas, de toute façon, au sein, t'as pas besoin. Hein. C'est toujours à la température parfaite, jour et nuit. C'est pour ça qu'Ariel est chanceuse. Exactement. Ça, nous, on va se contenter d'autre chose. Oui. Qu'on va goûter ensemble, c'est le choix de Tania cette semaine dans une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe d'adresse.